suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Homme-animal, une frontière fragile. Une série de Michel Alberganti, réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une cohabitation perdue. Ce vieux chat grognon qu'on ne regardera plus du même œil, ou ce cochon d'Inde craintif dont on voudrait désormais lire les pensées. Et puis aussi, tous ces animaux, du cafard à l'éléphant en passant par les pigeons boiteux, avec qui on partage notre territoire sans même plus en avoir conscience. Et puis il y a toutes ces images prises dans les abattoirs et que l'on préférait ne pas avoir vues, et cette certitude que la disparition des abeilles ou des oiseaux ne peut être qu'un très mauvais signe. Et enfin l'idée que finalement, on devrait peut-être laisser à Médor les clés de la voiture. Alors pour commencer les personnages, un dresseur bien dressé, un tigre qui veut qu'on le gratte, un cerf armé, un historien du point de vue animal, une philosophe qui scrute la sensibilité, un éthologue admiratif, une vétérinaire de compétition, une romancière qui observe les oiseaux, un neurobiologiste qui veut faire mieux et le directeur de la ménagerie. Ensuite, le décor. La forêt, la captivité des caméras, l'altruisme, un parc à Montreuil, le langage, déjà cher, la mémoire des primates, le sentiment de supériorité de l'homme blanc, l'écologie comme horizon, une révolution, la jalousie des chats, l'animal comme réservoir d'infériorité et des eaux. Aujourd'hui, dernier épisode, on est mieux dehors. Donc là, on traverse votre propriété. On vient de passer à côté d'un émeu. Un émeu. Alors, il y a une espèce de... C'est un, un animal qui appartient à une famille un petit peu particulière qu'on appelle les ratites. Donc là, Jean-Philippe Varin, on est sur un domaine de quelle superficie et avec combien d'animaux ? Alors, là, il n'y a plus beaucoup d'animaux, mais il y a 15 hectares de terrain qui sont répartis avec deux étangs, deux petits étangs, et puis un endroit où il y a de la lande et du genêt, et les autres endroits, c'est un mélange de bouleaux, de chênes et quelques conifères. Alors, quelques pas plus loin, on croise là, vous avez, oui, vous avez des tigres. Il y en a trois. Ah oui, en effet, des lions. Et puis, il y a un lion là-bas dans le bout. Hein. Et voilà, vous pouvez enregistrer. Ça, c'est le bonjour des tigres. Dis bonjour. Allez. Voilà ce petit souffle que vous entendez. Les tigres qui disent bonjour. Et là, vous voyez qu'ils veulent qu'un truc, c'est qu'on les gratte et se frotter à vous. Ça, c'est des mouvements très proches de ceux des chats. C'est très, très... Mais le tigre est un animal qui est proche du chat. Et simplement, pas en poids. Là, vous n'avez pas peur pour vos doigts, par exemple? Ben non, non, non. Mais vous pouvez mettre les vôtres. Hein. C'est-à-dire que si vous aimez mieux, ces animaux ont, depuis leur enfance, été habitués à quelque chose. Rien de négatif ne peut provenir de l'homme. Voilà. L'homme ne peut transmettre que des choses qui sont agréables. Alors, il a de la nourriture... Les câlins, parce que vous voyez, ce qu'ils cherchent là, c'est les câlins. Et aussi le jeu. Donc il faut. Alors là, elle croit qu'on va sortir, ou que je vais l'emmener, ou qu'on va aller se balader. Viens là, gros sac. Viens, l'homme. Faut-il conserver une frontière entre l'homme et l'animal ? Les relations entre Jean-Philippe Varin et les tigres, ou les cerfs qu'il dresse pour le cinéma, reflètent toute la complexité de nos rapports avec les animaux. Les siens sont nés chez lui et n'ont jamais connu la liberté. Pour eux, cages et barrières ne sont pas des frontières, dans la mesure où elles font partie intégrante de leur univers naturel. Ces animaux se sont adaptés à cette forme de confort, sans mémoire de l'état sauvage de leurs ancêtres. Pas les doigts contre le grillage. L'homme définit souvent sa différence avec l'animal par son intelligence supérieure. Pourtant, dès le XVIe siècle, Montaigne écrit dans Les Essais, « Il se trouve plus de différence de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme ». Surprise, ces propos rejoignent ceux de nombre d'éthologues d'aujourd'hui. En marge des croyances et des religions, les chercheurs concluent en effet que l'homme est un animal. La frontière n'existe que parce que nous l'avons tracée. Ce constat, en apparence banal, constitue une révolution du même ordre que celle de Copernic au XVIe siècle. Voilà, alors il y a une femelle qui couve. L'homme n'est pas plus au centre de l'univers qu'il n'est au sommet d'une pyramide du règne animal. Cette pyramide imaginaire a été largement forgée par la culture judéo-chrétienne qui met l'homme à part sur un piédestal. Les recherches actuelles démontrent largement que la réalité est bien différente. Là, vous entendez les grands ducs. Mais où c'est les grands ducs, hein ? Le reste, c'est des aigles pigards. Jean-Philippe Farin, alors ce qui est particulier dans ce lieu, c'est que c'est l'endroit où vous avez, dressé les animaux qui ont participé à plus de 3000 films. Oui, alors dresser, c'est un mot que j'aime pas, parce que c'est coercitif. Quand on dit « je m'en vais dresser », ça veut dire qu'on va imposer quelque chose par la force. Alors qu'en fait, on n'utilise, nous, pratiquement jamais la force. C'est, si vous aimez mieux, on utilise trois choses. La récompense, c'est le câlin, avec des vertébrés mammifères comme nous, qui aiment bien les câlins, ou le jeu. Il n'a pas voulu le faire, on ne le punit pas, mais il n'a pas la petite chose qu'il aime bien, ou le petit câlin, et en tout cas les paroles de réconfort, lui disant non, on recommence, ou on recommencera tout à l'heure. Avec ces trois méthodes, vous avez réussi à... Ces trois petites règles, oui, on arrive à beaucoup de choses avec des animaux qui sont déjà évolués. Quand on doit travailler avec des poissons ou des animaux qui sont encore plus bas dans l'échelle de l'évolution, on utilise des tas d'autres techniques, des phéromones, et puis surtout beaucoup les tropismes. C'est-à-dire Tropein, moi qui suis un ancien helléniste, en grec, ça veut dire « aller vers ». Le phototropisme, vous comme moi, si on nous met tous les deux dans un tunnel, on va avoir envie d'aller du côté où on voit le petit coin de lumière, et beaucoup moins de l'autre côté. Ça s'appelle un phototropisme. Eh bien, on va s'en servir de ce phototropisme avec tous les animaux diurnes pour obtenir d'eux qu'ils aillent dans une direction donnée. C'est tout bête, mais pour beaucoup d'insectes, ça va permettre de faire des vols en mettant l'insecte dans une ligne où on va garder le point. L'opérateur va pouvoir avoir l'insecte en vol net. Parce qu'il se déplace d'une façon linéaire. Parce qu'il va aller d'un point où il n'aime pas trop la lumière, vers un endroit où la lumière lui plaît beaucoup. C'est le cas, par exemple, pour les papillons. Attendez, pardon, je ferme ça. Essaye de me ramener Django. Ils sont où ? Côté de l'étang ? Django est juste devant et Django du côté de l'étang. On va aller du côté de l'étang. Ouais. Et pour que l'autre ne nous suive pas, on va traverser la maison. Alors là, vous avez des jeunes cerfs, alors qui ont encore leur bois. Celui qui a des grandes dagues sur la tête, là, c'est un daguet. Et vous voyez qu'il a des grandes perches sur la tête et qu'il ne les a pas perdues. Hein. Et à côté, vous avez un dicor. C'est un cerf, ça, il fait sa deuxième tête, c'est-à-dire pour la deuxième fois qu'il a du bois de sa vie. Mais alors venez, on va voir si les autres sont par là. Donc là, on peut difficilement être plus proche d'un cerf vivant. Là, vous êtes à un mètre. Hein. Vous êtes à un mètre et il est armé. Armé, c'est-à-dire qu'il a ses bois sur la tête. Ouais, ils sont très spectaculaires. Jean-Philippe Varin, alors vous êtes dans une situation particulière par rapport aux animaux, avec ces contraintes, ces nécessités de leur permettre d'assurer ou de jouer des rôles au cinéma ou dans des publicités ou dans des soirées. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté en termes de communication avec les animaux ? Est-ce que ça vous a appris quelque chose sur la façon que l'homme peut avoir de communiquer avec eux ? La communication avec les animaux, je pense que tout le monde la sent ou la ressent. Comme notre population devient de plus en plus vieillissante, il y a beaucoup de personnes âgées dont les enfants sont un peu partis, les petits-enfants ne sont pas toujours là, et ils ont un chat ou un chien. Ce n'est pas un animal bien extraordinaire, mais par contre, ils communiquent d'une façon incroyable avec eux. Et pour ces gens-là, ils savent très très bien, et leur animal sait très très bien ce qui va se passer quand ils se déplacent, quand ils prennent tel ou tel manteau, ou tel ou autre, ils savent qu'ils vont sortir, pas sortir, qu'ils vont rester tout seuls. Eh bien, ça c'est le début de la communication, c'est ce qui m'a intéressé. Et puis, on se rend compte que si on prend du temps, c'est quelque chose qui est difficile maintenant, de prendre du temps. Mais moi, je passe mon temps à prendre du temps pour tout. Donc, si on prend du temps, on peut arriver à communiquer avec pratiquement tout ce qui vit. Seulement, tout ce qui vit, ça veut dire aussi bien une sauterelle qu'un tigre ou un lion. Alors, ils ne communiquent pas du tout de la même façon. Alors, non seulement il faut prendre du temps, mais il faut aussi connaître l'animal avec lequel on va devoir obtenir quelque chose. Et puis, pas le connaître un petit peu, le connaître comme il faut. Qu'est-ce qui a fait des thèses sur cet animal? Qu'est-ce qui a été écrit? Qu'est-ce qui en est découlé? Jusqu'où peut-on aller? Comment peut-on se procurer? Est-ce que cet animal a des cousins, des cousines, donc des animaux proches de lui, qui lui ressemblent et qui n'ont pas exactement les mêmes particularités? Un lévrier ressemble à n'importe quel autre chien. Et pourtant, c'est le pire de tous à faire travailler. C'est un travail qui se rapproche de l'éthologie? C'est l'éthologie, c'est l'étude du comportement. Alors, c'est l'étude du comportement lui-même dans la nature. Comment est-ce qu'un animal recherche sa nourriture? Comment est-ce qu'il se comporte pour parader? Comment est-ce qu'il se comporte dans telle et telle circonstance? C'est-à-dire quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a du vent, etc. C'est ça, l'éthologie. Eh bien, nous, c'est pareil. Seulement, voilà. On nous dit. Ça n'est pas dans le milieu naturel. Voilà. On va, pas être du tout dans le milieu naturel, même si on tourne en film en pleine nature, il va y avoir 15 personnes, 2 caméras, tout un tas de bazar, donc on peut dire que, qu'on soit en pleine nature ou pas, le problème est le même. Tout ce que l'on va déclencher va être d'obtenir un comportement donné, alors que c'est ni le moment, ni l'heure, et qu'il y a beaucoup de monde là pour regarder tout ça. Nous avons en même temps lion et tigre là. C'est un petit concert. On dit, tiens, il y a la radio, allons-y. S'il vous plaît, tout le monde sur moi. On a créé le terme d'anthropocentrisme pour désigner et par là même dénoncer la tendance naïve du primitif, de l'enfant, voire de l'adulte civilisé, à se concevoir comme le centre de l'univers et la raison de toute chose. Cette philosophie optimiste trouve sans doute son expression la plus pure dans les premières pages de la Bible, où l'homme, dernier venu et roi de la création, nomme les animaux et par là même les fait siens. Mais par un curieux paradoxe, ce roi s'est détrôné lui-même à mesure que son savoir et par suite son pouvoir sur les choses se développait. La mécanique de l'évolution a façonné l'intelligence des êtres vivants, l'a perfectionnée pour assurer la survie de chaque espèce. Certaines d'entre elles, comme les pieuvres ou les éponges, sont apparues bien avant l'homme, il y a environ 500 millions d'années. Le genre Homo, lui, n'a que 2,8 millions d'années d'expérience. Quant à nous, Homo sapiens, nous n'avons que 300 000 ans à notre actif. Pour l'historien Éric Baratet, nos relations avec les animaux au fil des siècles sont loin de suivre une évolution linéaire. En tant qu'historien, on pourrait l'analyser de plusieurs manières. On pourrait dire que la tendance actuelle en Occident, et qui est en train quand même de se développer aussi ailleurs, dans les pays qui s'industrialisent, etc., la tendance est quand même vers... Alors on peut dire, les militants pour les animaux vont dire que c'est trop lent, c'est insuffisant, etc., mais quand même au plan historique, il y a une tendance forte. Et si elle se poursuit, je pense qu'on aboutira à des résultats de plus en plus forts. Il y a un changement de nos relations avec les animaux. À combien de temps, ça je suis incapable de le dire, mais si la tendance se poursuit, je pense qu'on y arrivera. Après, deuxième lecture de l'historien, l'historien voit très bien que l'histoire n'est pas linéaire, qu'il y a des allers-retours, ça ne veut pas dire grand-chose, il faudrait qu'il y ait un sens. Mais disons qu'il y a des directions différentes. Il y a des époques où on se veut plus proche des animaux, il y a des époques où on se veut moins proche des animaux. Est-ce que là, on est vraiment dans un courant qui fait qu'on va franchir un palier, qu'on restera au-dessus de ce palier et qu'on changera nos habitudes? Ou est-ce que il va y avoir un retournement de vision? Ça, je n'en sais rien. Je souhaite la première solution pour la deuxième. Je pense quand même que tout le phénomène de réchauffement climatique, de dégradation de la biodiversité, est en train de nous montrer à quel point cette vie animale est précieuse et qu'on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Mais il y a eu des périodes comme ça, où, par exemple, la période 1860-1930 est une période très favorable aux animaux, en Angleterre, en accident, etc., du côté des intellectuels, des écrivains, de l'Église, etc., très favorable. On pourrait penser que ça va aboutir à bien plus, et puis ça s'arrête, brisé, dans les années 30-40, et on voit apparaître une génération qui, au contraire, va aller dans la maîtrise absolue de la nature. Hein, d'où l'élevage industriel, d'où, par exemple, en France, la légalisation de la corrida, légalisation des combats de coqs, etc., etc. Alors, cette tendance-là très, très dure... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour provoquer cette inversion ? Il y a eu à la fois un conflit de génération, très net. Il y a eu aussi l'effet de la guerre. Hein, les nouvelles générations qui prennent le pouvoir avec la guerre, avec la libération, évidemment, veulent se détacher des pères qui ont failli. Et puis, il y a une espèce de culte de la technicité, de la maîtrise de la nature, qu'on voit se développer à partir des années 20, avec l'industrialisation. Et vous avez, par exemple, quelque chose maintenant qui peut nous étonner, hein, Pierre Teilhard de Chardin, qui, après les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, écrit un article tout à la gloire de l'énergie nucléaire. C'est le nouveau monde. Et maintenant, ça nous étonne beaucoup. Hein, et on a vraiment communié dans cette... Et dans cette vision-là, le sort des animaux importe peu. L'important, c'est qu'on doit maîtriser la nature. C'est un élément de l'humanité. Alors, la frontière entre l'homme et l'animal, c'est surtout la question de l'autre, qui est radicalement différent, finalement, donc l'altérité. Et je pense que... Audrey Jougla, philosophe. Dans certains domaines, elle est poreuse, c'est-à-dire qu'il y a des moments de rapprochement très forts, des émotions qui sont communes, même des émotions qu'on pensait spécifiquement humaines, comme l'empathie, par exemple. On se rend compte, ou le deuil, le sentiment de deuil que les animaux ont. Et c'est toujours un étonnement plutôt agréable hein, quand on voit ce type de similitude. Et par ailleurs, il y a des domaines où on a une opposition qui est radicale, un monde qui est radicalement celui du tout autre, que ce soit à l'égard de la temporalité ou de la mort, de la création, ou même le sentiment religieux aussi. Le proprement humain, finalement, se définit dans de nombreux domaines. Et l'animal est complètement différent, radicalement différent. Je pense que la nature de la frontière entre l'homme et l'animal, qu'on se considère proche, au contraire opposé, ou supérieur, ou égal, n'a pas de conséquences sur la manière dont on doit traiter les animaux, puisque finalement, soit on est un animal comme les autres et on doit traiter l'animal comme un père, ou simplement un frère silencieux, soit on a une position qu'on pense en tout cas supérieure et on lui doit en tout cas une certaine protection et un usage raisonné des moyens qui sont les nôtres. Le rapport qu'on a eu jusqu'à présent avec les animaux était conditionné par un schéma de pensée très mécaniste, en tout cas, où on considérait les animaux à notre service. Et je pense que ça, de toute façon, ça évolue et ça continuera d'évoluer, ne serait-ce que parce que l'exploitation actuelle des animaux ne peut pas continuer à l'échelle à laquelle elle est aujourd'hui. Donc je suis plutôt optimiste en tout cas. Bonjour, docteur Zira. Bonjour, Julius. Comment va notre malade ? Oh, toujours pareil. Aussitôt qu'on ouvre la porte, commençons. Tu as quelque chose à demander ? Eh bien, parle. Fais un effort, parle. Ah, toi, tu veux un morceau de sucre, je parie. Attention, il pourrait vous faire mal, docteur. Oh, mais ne soyez pas ridicule, il est tout à fait apprivoisé. Ouais, ils sont apprivoisés jusqu'au jour où ils vous mordent. Ce beau yeux est extraordinaire. Depuis qu'il est là, il essaie de former des mots. Vous savez bien que les hommes aiment faire des grimaces. Vous voyez, il continue à faire semblant de savoir parler. La frontière aujourd'hui, c'est une affaire très compliquée qui va dépendre un peu des définitions qu'on se donne. Par exemple, le langage apparaît comme une barrière particulièrement pertinente. Jacques Vauclair, psychologue. Mais un certain nombre de chercheurs qui ont étudié des espèces de primates comme les chimpanzés ou le fameux bonobo kanzi ont montré que ces espèces animales étaient capables de réaliser un certain nombre de comportements communicatifs qui empruntaient des propriétés du langage. Et donc, Certains chercheurs ont tout simplement admis que le langage lui-même n'était plus une barrière entre l'animal et l'homme, entre en particulier nos cousins primates et l'homme. Pour les biologistes comme moi, nous sommes des animaux. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. On n'est pas différent d'animaux. France Deval, primatologue et éthologue. On est l'homme et on pense que ça, c'est très spécial. Et, c'est vrai qu'on a des cerveaux plus grands qu'un chimpanzé, 3 fois plus grands. Et ça fait une différence. Mais on est des animaux. On a des cœurs, des cerveaux, tout. Dans tout, on est des animaux. Et pour moi, il n'y a pas de frontière entre les deux. Mais l'homme est un animal. Alors, c'est un peu comme demander est-ce qu'une table est différente d'une chaise. Oui, ils sont différents, bien sûr, ils sont différents, mais c'est des meubles. Et c'est comme ça que je regarde l'homme et les animaux. Bonjour, Excellence. Où vais-je, vous plaît. Bonjour, Excellence. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Regardez, il est là. Beaux yeux. Je t'en supplie, parle. Montre-lui ce que tu sais faire. Voyons, parle. Essaie de parler encore. Vous voyez, il arrive à former des mots. Oui, très amusant, un homme qui essaie d'imiter les singes. Marie-Claude Bomsel, cette question de la frontière, est-ce que vous pouvez définir une frontière entre l'homme et l'animal aujourd'hui avec toute votre expérience ? Non, je ne peux absolument pas parce que je considère que l'animal progresse en tout. En intelligence, en curiosité, en envahissement même, si je puis dire, et nous régressons. Marie-Claude Bomsel, ancienne directrice de la ménagerie du Jardin des Plantes. Nous régressons indiscutablement du point de vue du culturel et même du point de vue humain, parce que je nous trouve particulièrement durs les uns avec les autres, parce qu'on étudie de plus en plus l'altruisme chez l'animal, et on voit l'entraide qu'il y a, ils aident même leurs handicapés, enfin il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus, et nous, pendant ce temps-là, nous régressons. C'est notre connaissance des animaux qui progressent, parce que eux, je pense qu'ils font ça depuis un certain temps. Vous avez raison. C'est plutôt nous observons à quel point eux-mêmes étaient entre eux solidaires et nous observons également à quel point nous le sommes de moins en moins entre nous. Est-ce que ça doit changer notre attitude ? Oui, ça devrait changer notre attitude, mais ça n'a pas l'air de le faire, parce que, en l'occurrence, on devrait maintenant prendre exemple sur ce que nous apprenons à travers eux. Moi, je suis toujours frappée, comme pourtant j'aime l'art, voilà encore une des choses qui caractérise l'homme, mais l'art, finalement, c'est quelque chose, c'est une représentation de quelque chose qui est naturellement beau, souvent. Or, les gens ne regardent pas le quotidien, les oiseaux, même les oiseaux gris, si vous voyez la façon dont ils volent, dont ils picorent, dont ils font, c'est merveilleux. Et bon, alors je vous parle uniquement de l'esthétique, mais dans leur comportement. Mais ça, nous n'avons rien appris, nous perdons le sens de la nature. Il faudrait corriger à l'école avant tout et ne pas prendre les animaux comme on le fait à l'école, c'est-à-dire des cochons d'Inde et des trucs qu'on oublie dans un coin. Il faudrait refaire les classes nature, mais avec notre obsession sécuritaire, obsessionnelle actuellement, c'est difficile. Mais j'ai eu souvenir et je m'y ennuyais. Mais j'allais, moi, dans la nature, on me montrait les insectes, on me montrait les oiseaux, on apprenait beaucoup de choses autrefois. Je me souviens même des strates géologiques, ça ne m'a pas trop resté. Mais j'appréhendais ça avec mes copains en plus. Donc on discutait, on échangeait, on s'échangeait des tas de trucs naturels. C'est fini, maintenant on s'échange son iPod ou iPhone ou je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Mais enfin, plus du tout les choses de la nature. Or, c'était là, c'est là la vraie beauté. Marie Pavlenko, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le parc des Guilandes, oui. Qui est à cheval sur Bagnolet et Montreuil. Voilà, c'est un parc départemental. Je viens très souvent ici. Vous êtes romancière et ancienne journaliste. Exactement. Et vous êtes passionnée par aujourd'hui les oiseaux en particulier. Entre autres, oui. Oui, exactement. On vient d'entendre un joli accenteur mouché. Et vous avez 2 chats. Oui, j'ai 2 chats. Donc, par rapport à notre documentaire, la question est comment vous concevez ce rapport avec les animaux dans la vie quotidienne, aussi bien chez vous d'ailleurs que dans la nature. Alors, c'est quand même un peu 2 choses différentes, parce qu'il y a l'animal domestique qui habite chez moi, et le sauvage, c'est vraiment, voilà, pour moi, 2 aspects très différents, mais qui, effectivement, se rejoignent dans le respect du vivant en général. Moi, je suis à la maison toute la journée. Les chats, c'est une présence, une action, une réaction. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence. Tiens, on a entendu un petit grimperou là, le petit cri très aigu. C'est un grimperou, je sais qu'il y en a un qui habite par ici. Voilà, c'est des petits oiseaux avec un ventre blanc, qui sont de la couleur de l'écorce, avec un petit bec recourbé, et ils se mettent en bas des troncs et ils grimpent comme ça. Vous vous intéressez donc aussi à la vie sauvage? Oui, beaucoup. Pour quelle raison? Parce que pour moi, c'est la liberté et c'est ce qu'on ne contrôle pas. Et je trouve qu'on est dans une société où, en réalité, on n'a pas tant de liberté que ça, il me semble. Où on veut nous faire croire qu'on a une liberté, mais on a un discours social qui est très normatif, qui est très... Et le sauvage, c'est... Je trouve ça fascinant, en fait. Et je trouve ça aussi très émouvant de respecter ce qu'on ne peut pas contrôler, de lui laisser la place. Je trouve que ça nous renvoie à notre humanité, à nous, en fait. Moi, je me pose toujours cette question, et je pense que la façon dont j'envisage le vivant en général et la nature, c'est quel genre d'humain je veux être. Et ça, je peux aussi me poser cette question-là en me confrontant à ce que je ne peux pas dominer, accepter qu'il soit là à côté de moi, en fait. Voilà. On est dans un parc qui est quand même très urbain, mais où effectivement les animaux restent sauvages. Oui, il y a des jachères ici, hein. Il y a des espaces qui sont fermés à l'homme. Donc il y a des renards, par exemple. Renards qui sont très bienvenus à Montreuil, parce qu'en fait c'est une ville où il y a des rats. Mais il y a aussi des faucons, il y a des éperviers, il y a énormément d'oiseaux. Parce qu'en plus c'est un parc, comme on peut voir, où il y a différents paysages. Il y a une mare avec des roseaux, donc ça peut attirer des oiseaux qui ont besoin de cet environnement. Il y a une barrière en bois qui fait qu'on n'a pas accès, nous, humains, à cette partie. Et puis, il y a des jachères de chaque côté qui fait que moi, j'ai plus cet hiver, trois fois, j'ai vu un renard. Enfin, deux fois, j'ai vu un renard adulte et une fois, un renard dauphin qui devait être né au printemps. Je trouve ça assez merveilleux de se dire qu'on est là, dans notre vie, avec toute notre modernité, notre béton, nos ordinateurs, et que juste à côté, il y a des animaux sauvages qui évoluent et qui vivent et qui luttent pour vivre. Je trouve ça beau. Votre intérêt pour les oiseaux vous pousse même à être devenu une ornithologiste amateur. Oui, alors je suis pas... Vraiment, je débute, hein. J'appartiens à une association qui a basculé vers la LPO, mais qui s'appelait le CORIF, et qui est une association totalement démente et géniale, qui surveille les oiseaux en Ile-de-France, voit comment ça évolue, parce qu'on sait, d'ailleurs il y a eu beaucoup d'articles récemment, que la population d'oiseaux, elle a beaucoup diminué dans les campagnes, et elle est très significative de l'écosystème et de la biodiversité en Ile-de-France, et notamment dans les banlieues dans lesquelles on est, c'est-à-dire où il y a des grands jardins, où les gens ont des jardins, où il y a des grands parcs, etc. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent ici. Et puis les oiseaux, en fait, quand on commence à les connaître, on s'aperçoit que nous, on connaît les moineaux, etc. Mais en fait, il y en a des dizaines juste à côté qui ont des habitudes, des modes de déplacement, des oiseaux qui font 10 grammes et qui font 3000 km en migration. Moi, ça me fascine. Enfin, je veux dire, il faut avoir du respect pour ces animaux-là. C'est quelque chose d'incroyable quand même. Et ça apprend aussi l'humilité. Ça apprend à se décentrer et finalement faire exploser la pyramide qui voudrait que l'homme est au sommet. Voilà. Plus on s'intéresse aux animaux et aux animaux sauvages, mais même aussi aux animaux domestiques, enfin, voir leurs émotions, un chat jaloux, c'est à mourir de rire, ça existe, ils sont jaloux, par exemple. Tout ça, ça permet, je trouve, de se décentrer, d'être un peu... d'avoir de l'humilité, quoi. Deval, est-ce que les recherches sur les animaux peuvent nous apprendre des choses sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur les humains qui font partie donc de ces animaux? Directement, si on veut comprendre l'homme, il faut faire la recherche sur l'homme, je trouve, hein. Parce que l'homme est une espèce comme des autres, mais aussi une espèce unique. Mais la recherche sur les animaux donne une autre perspective à l'homme, je trouve, que ça change notre perspective si on pense que certaines choses que nous, on a toujours pensé que, par exemple, la moralité, la politique, la culture, c'est exclusivement humain. Si on sait que ce n'est pas vrai, qu'il y a en fait beaucoup de correspondance avec le comportement animal, ça change notre perspective sur nous-mêmes. Et c'est ça que je pense qu'est en train de venir. Il y a déjà des philosophes, peut-être pas en France, mais il y a certains philosophes qui sont en train de s'ouvrir dans ce sujet-là, la transition et le contact entre l'homme et l'animal. Oui. Marie-Claude Gomsel, on définit justement parfois cette différence par la conscience. Est-ce que ça a un sens pour vous ? Non, ça n'a pas plus de sens pour moi. Alors c'est toujours l'histoire des miroirs, ça aussi c'est très connu. Certains animaux se reconnaissent dans les miroirs, d'ailleurs on voit qu'il y en a de plus en plus. Les grands singes, les éléphants, les dauphins. Bon, maintenant, alors après, est-ce qu'ils ont conscience d'eux-mêmes ? À partir du moment où ils se voient dans le miroir, je vais vous dire, moi, certains matins, j'ai pas conscience d'être moi. Je me vois tout à fait différemment. Je suis assez horrifiée de me voir comme ça au petit matin. C'est très compliqué. La conscience de soi, moi, je suis persuadée que beaucoup d'animaux l'ont, énormément. La conscience de l'autre, ils l'ont par obligation, surtout les animaux sociaux. Alors, ce qui peut-être les différencie, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la conscience au deuxième degré, que l'autre parle à l'autre de soi. C'est qu'ils ont une perception différente. Ça, peut-être. Et encore, vous voyez, j'ai des moments d'hésitation. Mais ça, je pense qu'effectivement, je reviens au fait que là, on est parti, nous, dans un monde virtuel, et spirituel d'abord, et virtuel désormais, qui fait qu'effectivement, nous pouvons avoir cette imagination. Mais ils ont une autre forme d'imagination, une autre forme de conscience d'eux-mêmes. Professeur Tetsuro Matsuzawa, de l'Institut de recherche sur les primates de Kyoto, au Japon, a élaboré un test de mémoire pour les chimpanzés. Son meilleur élève a 7 ans. Quand on lui montre sur un écran des chiffres de 1 à 9, il les fait disparaître dans le bon ordre, 1 à 1. Chaque fois qu'il réussit, il reçoit une récompense, un morceau de pomme ou un raisin sec. Mais ensuite, les chercheurs augmentent la difficulté. Dès que le chimpanzé appuie sur le chiffre 1, les autres chiffres sont masqués. Il doit se rappeler où se trouve chaque chiffre et appuyer sur les carrés blancs dans le bon ordre. Les chiffres sont affichés de façon totalement aléatoire. Pourtant, il réussit à chaque fois à la vitesse de l'éclair et avec une précision de 100%. En 65 centièmes de seconde, il est capable de se rappeler les chiffres, de dire où ils étaient. À vous maintenant. Vous avez réussi ? Non ? Recommencez. Il y a une chose qui me paraît, qui est peut-être fausse, Jacques Vauclair. Il s'agit d'aptitudes qu'ont les animaux dont l'homme est plus ou moins dépourvu. Est-ce que c'est quelque chose finalement d'assez récent ou est-ce que on est au courant de ces capacités des animaux depuis longtemps ? Les expériences montrent que Jacques Vauclair, psychologue, les animaux sont capables, en particulier, de capacités de mémorisation qui sont supérieures aux capacités humaines. Cela est vrai aussi pour certains oiseaux, les oiseaux cacheurs par exemple, comme la mésange, peut cacher jusqu'à 200-250 objets alimentaires dans des endroits différents et tous les retrouver. Or, quand on propose ce genre de situation à des humains, eh bien on constate qu'ils sont bien moins efficaces que les animaux. Donc il y a dans le domaine de la mémoire, mais aussi sans doute dans le domaine de l'espace, de l'organisation de la représentation spatiale, des capacités chez les animaux qui sont supérieures à celles de notre espèce. Oui. Et ça, c'est assez cohérent avec l'approche qui plaide pour une adaptation à l'environnement. En fait, ces aptitudes supérieures chez les animaux s'expliquent par des problématiques posées par leur environnement. Si les animaux sont supérieurs dans certaines activités cognitives, c'est sans doute qu'il y a de bonnes raisons, par exemple pour se nourrir, retrouver rapidement les lieux où on a caché de la nourriture, mémoriser rapidement une séquence, des critères adaptatifs qui permettent de comprendre cette supériorité. L'espèce humaine n'a pas visiblement les mêmes contraintes pour retrouver rapidement, retrouver l'ensemble des objets. Ce sont des comportements d'ailleurs qui sont relativement peu communs dans nos activités quotidiennes. Dans ce contexte, Jacques Vauclair, où finalement chaque espèce a des aptitudes particulières liées, donc on le répète, à son environnement, est-ce que finalement il faut abattre toute sensation de supériorité d'une espèce sur une autre ? La notion de supériorité n'a pas de sens sur le plan biologique. À partir du moment où une espèce survit, se reproduit, elle est biologiquement supérieure, si je puis dire. L'idée de hiérarchie n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est pour ce qui est des comparaisons entre des espèces qui nous sont proches, à propos desquelles nous avons des ancêtres communs, je pense aux primates, c'est de montrer à la fois les éléments de ressemblance et les éventuelles discontinuités que l'on peut décrire entre ces espèces proches. Sachant par ailleurs que sur le plan de l'organisation nerveuse, sur le plan cérébral, il y a une très très grande communauté de structures et de fonctionnement entre les primates et l'homme. Donc nous sommes vraiment cousins dans un sens extrêmement fort. Mon petit bonhomme. Quand j'étais tout petit, c'est que j'étais à l'école, eh bien, tu sais pas ce que me disait le maître tout le temps. Assez de singeries. Et maintenant j'ai 70 ans. Alors on me dit encore des singeries. Et on me donne de l'argent pour ça. Ça, c'est des boutons, tu vois. Il faut, si tu veux paraître dans le monde, il faut toujours avoir une cravate comme ça, des boutons. Autrement, tu comprends, tu es un sauvage. Tu n'es pas reçu dans la société si tu n'as pas une cravate. Le terme spécisme, apparu dans les années 1970, désigne la considération que certaines espèces ont des droits supérieurs à ceux d'autres espèces. Ce concept est surtout utilisé par les antispécistes, qui militent pour la suppression de cette hiérarchie des droits, justifiant l'exploitation des animaux par l'homme. Marie Pavlenko. Je pense que le spécisme, c'est quelque chose qui n'engendre que de la souffrance, qu'on devrait apprendre à vivre avec les autres en général. Avec les humains qui sont différents, qui ont d'autres cultures, et avec les animaux qui sont une richesse. Le monde ne serait pas pareil si on n'avait plus d'oiseaux. Le bonheur et la force de vivre, il tient aussi à la richesse, en fait. On vit dans un monde très utilitaire aussi. On utilise les choses. À quoi ça sert un animal? Mais à quoi ça sert l'humain? Ça sert à rien. Donc il y a ce respect en général de... qui, je pense, est très important. Et encore une fois, si on arrive à quitter le haut de la pyramide, on est plus en empathie aussi, et avec une compassion au sens quasiment bouddhiste du terme. Enfin, je veux dire, voilà, avec essayer de comprendre et d'être bienveillant avec ce qui nous entoure. Il y a un rouge-gorge, on entend un rouge-gorge, mais qui est plus au fond. Et regarde, là, il y a quelque chose là. Je pense que c'est une maison à longue queue. Ah voilà, ça c'est une maison à longue queue. Hop, c'est petit, c'est une petite espèce de petite boule de ping-pong. Et elles sont toujours en groupe. Voilà, il y en a une sur cet arbre à droite, il y en a une là-bas. Elles sont en groupe et elles volettent constamment, elles s'arrêtent jamais. Elles font des petits cris comme ça, ça s'appelle aussi des cris de contact. T'es là? Ouais, je suis là. Et toi, t'es là? Ouais, je suis là. Allez, on va voir l'autre arbre. Allez, on y va. Et c'est très joli comme oiseau. Et c'est très gai, les mésanges en général, c'est très gai. Les petites mésanges bleues, quand elles ont un petit cri, on dirait un petit éclat de rire. C'est des oiseaux qui sont très... qui sont vivants. Cette histoire de spécisme... si j'avais devant moi un chat et une femme qui se noient, j'irais chercher la femme. C'est mon alter ego, c'est mon congénère. Je veux dire, c'est, faut pas simplifier les choses. J'entends beaucoup dire, ah, les véganes, ils aiment autant. Il y a quelque chose de... Voilà, c'est pas vrai, quoi. Je pense que ça permet aussi d'être... C'est aussi une façon d'accepter l'empathie qu'on peut avoir pour les êtres vivants en général. Voilà. Et là, il y a un merle. C'est un mâle, parce qu'il est noir avec un bec orange. Qui est en train de chercher s'il n'y a pas des petits vers de terre à se mettre sous le bec. Moi je connais, c'est véridique, un endroit bien moins fréquenté. C'est le jardin zoologique, aussi le dimanche pour fierter. Je vais au zoo. Un vaste bâtiment à l'extrémité sud du jardin des plantes. Des galeries, des étages entiers, des centaines de mètres de galeries tapissées de vitrines. Et dans ces vitrines, des dizaines de milliers d'animaux perchés sur des branches, debout sur des socles, tous également immobiles, et qui me regardent de leurs yeux de verre. Aux zoologies parisiennes, palais enchanté de la belle au bois dormant, Mais allons-nous-en, je me connais, j'y serai encore demain. Je ne commencerai pas à vous parler des espèces de bubales, des variétés d'éléphants, de ce sensationnel buffle cafre qui ferait rêver tous les chasseurs. Ce n'est pas à la galerie de zoologie que vous allez me suivre maintenant, mais dans ses coulisses. La ménagerie du fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, a été construite juste dans un sens de montrer des animaux féroces, de montrer la supériorité de l'homme sur l'animal. Donc c'était la manière de présenter ces animaux au public au XIXe siècle. Donc aujourd'hui, on a complètement changé dans cette manière de présenter les animaux. À la ménagerie, c'est peut-être pas toujours visible, puisqu'on a l'héritage patrimonial. Michel Saint-Jalme, directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes. Un bâtiment qu'on appelle la singerie, un bâtiment qu'on appelle la fauverie, un bâtiment qu'on appelle la faisanderie, le palais des reptiles, qui datent tous en fait de l'époque coloniale, de cette époque où on avait la supériorité de l'homme blanc sur le monde et la supériorité de l'homme sur l'animal. Donc aujourd'hui, on essaye d'oublier en fait tout ce passé qui forme malgré tout notre culture, et dans la manière dont on veut présenter les animaux au public, on essaye de changer cette image et de les présenter dans des espaces qui évoquent leur milieu naturel. Alors à la ménagerie, c'est un petit peu compliqué, pas toujours facile, je vous dis, parce qu'on est contraint par le lieu. En revanche, en reconstruisant le zoo de Vincennes, qui a réouvert au public en 2014, on a essayé de reconstituer des milieux qui évoquaient le milieu naturel, de présenter les animaux plus de manière taxonomique, c'est-à-dire tous les primates d'un côté, tous les félins de l'autre, en essayant donc de présenter les animaux en interaction dans des lieux qui évoquaient leur habitat naturel, qui nous permettent de communiquer sur les écosystèmes, sur les échanges, sur le fait que l'ensemble des êtres vivants sont en équilibre dans la nature et vivent en interaction. Donc le rôle principal du parc zoologique aujourd'hui, ça va être justement d'essayer de faire de l'éducation à l'environnement et d'essayer de reconnecter le citadin à la nature. Alors, le Descartes et l'univers cartésien avaient donné un programme à l'homme qui était d'être le maître de la nature, si j'ose dire. Oui, l'homme, il reste maître de la nature, puisqu'il est encore très puissant, mais il fait beaucoup de bêtises. Donc, je serais tenté de dire que si l'homme veut poursuivre sa destinée, il faudrait qu'il reste maître de la nature, mais être un maître intelligent, plus intelligent qu'il n'est. Alors je dis pas que ça vient pas, mais... Georges Chapoutier, neurobiologiste et philosophe. Il y a beaucoup de bêtises, notamment sur le plan écologique, sur le plan de la relation avec l'environnement et avec les animaux qu'on évoquait, qui pourraient être améliorés. En d'autres termes, je pense que par ses capacités intellectuelles, l'homme restera en quelque sorte le maître technologique de la nature, au moins de la Terre déjà, peut-être ailleurs dans quelques temps, mais qu'il faut absolument que ce maître sache se discipliner et ne plus faire n'importe quoi. Ça, c'est un point essentiel. Je pense qu'il faut vraiment adopter fondamentalement le discours écologique et le discours de respect de l'animal. Est-ce que ce changement d'attitude fait partie ou peut faire partie de la sagesse que vous attendez de l'être humain ? Pour arriver à cela, pour arriver à ce que l'homme, en quelque sorte, devienne un maître de la nature, mais un maître de la nature raisonnable, si j'ose dire, il faut un ensemble de choses. Il faut d'abord qu'il modifie ses lois. Nous sommes des sociétés de droit et, bien entendu, il faudra arriver à ce que on protège les animaux davantage qu'on le fait maintenant. Pourquoi il faut donner des droits aux animaux ? Dans une société policée, dans une société civilisée, il faut des droits. Et puis le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que les droits, ensuite, il faut les appliquer. Et pour les appliquer, bien sûr, on peut créer des systèmes de police, etc. Mais fondamentalement, ils seront d'autant mieux appliqués que les hommes veulent les appliquer. Et ça pose la question fondamentale de l'éducation. Nous, on a déjà passé l'âge, si j'ose dire. Mais c'est nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est eux qu'il faut former pour que petit à petit, eux, ils prennent conscience de ce que c'est que l'environnement et ce que c'est que l'animalité. Alors, bien entendu, ça peut apparaître comme une révolution majeur. Ça l'est sans doute sur un plan, si on le met sur un plan de la société dans son ensemble, même s'il y a des gens qui ont réfléchi à ça depuis longtemps, déjà dans l'Antiquité, hein. Des philosophes comme Porphyre, Plutarque, avaient déjà posé cette question. Mais il est clair que si on veut amener à ce que toute l'humanité ait un meilleur comportement vis-à-vis de l'animalité et ou vis-à-vis de l'environnement, les deux choses étant liées probablement, là c'est probablement une révolution intellectuelle, au moins aussi grande que la révolution de la Renaissance qui donnait le primat au sujet humain ou quelque chose comme ça. Sinon, si on la rate, effectivement, là on se rapproche des scénarios catastrophes et on pourrait effectivement imaginer que l'espèce humaine en arrive à se suicider. dis donc, ça c'est des singes. Eh oui, c'est des singes. Tiens, tiens, regarde le grand. Le grand là-bas, c'est un orang-outan. On dit, Poupin, il descend d'un arbre, l'orange dégoûtant. Eh ben oui, quoi, il descend d'un arbre et puis après. Eh ben, si le singe descend d'un arbre, tu m'as dit que l'homme, il descendait du singe. Oui, alors. Eh ben, puisque je suis un petit homme, toi t'es un singe alors. Poupon. Papa est un singe. Poupon. À la lumière de tout ce que vous avez dit sur le rôle des zoos, sur l'évolution, sur cette période qui en plus est assez exceptionnelle, 1794 à aujourd'hui, sur le regard que l'on porte sur les animaux, comment redéfiniriez-vous la frontière entre l'homme et l'animal? Puisque on a essayé de... Est-ce que cette frontière, de votre point de vue, est en train d'évoluer ou pas? Et si elle évolue, de quelle façon, Noreen Shai? Bien sûr qu'elle est en train d'évoluer. Ne serait-ce que même le regard des animaux qu'on a par rapport à l'image qu'on a d'eux. Par exemple, on part d'une population animale pour revenir à l'individu. Noreen Shai, directeur adjoint de la ménagerie du Jardin des Plantes. Et cette notion d'individu, vraiment, elle est capitale, puisque des études sont faites sur la notion même d'individu chez une corneille, chez un éléphant, chez même une fourmi, chez même sur un requin. On a vu qu'il y avait des requins, une personnalité chez des requins tigres par exemple. Donc l'individu, une variabilité de comportement et même d'apprentissage. Donc l'individu devient un centre. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, cette frontière dont vous me parlez, finalement, elle s'estompe. Et pourquoi elle s'estompe? Tout simplement, c'est grâce aux connaissances qu'on acquiert sur le monde et sur les animaux. Et plus on apprend d'eux, et plus on voit que cette frontière diminue. Donc je dirais que cette frontière, elle est conceptuelle, je dirais en fait. Cette frontière, pour moi, est le symbole d'une ignorance qu'on a sur le monde et sur ce qui nous entoure. La question, c'est pourquoi est-on absolument obsédé par l'idée de définir une frontière? Il me semble que la façon dont nous vivons, Florence Burga, philosophe, dessine de fait des frontières. Les frontières, nous les dessinons en agissant et en vivant. C'est comme si on disait il faudrait redéfinir la frontière entre l'enfant et l'adulte. Cette frontière, elle se joue tous les jours dans la façon dont nous allons agir, nous adultes, comment les enfants vont agir, comment nous allons agir vis-à-vis d'eux. Donc je crois que ce qui est important, c'est reconnaître la dimension subjective de la vie animale, la dimension désirante de cette vie, qui sont les animaux et non pas que sont les animaux. Et à partir de ce moment-là, élaborer un monde dans lequel ils ont leur place en tant que vivants qui ont leur vie à vivre. Et je crois qu'on n'a pas besoin de redessiner une quelconque frontière que ce soit. Alors on peut, si on veut absolument en dessiner une, dire que la capacité de destruction que l'humanité a aujourd'hui en main par sa puissance scientifique et technique, lui confère un surcroît de responsabilité, que en effet, c'est nous humains qui écrivons les lois, qui allons prévoir de traiter les animaux de cette manière ou de ne plus les traiter de cette manière, et que donc, si on tient absolument à une frontière qui nous valorise, eh bien, je crois qu'elle est dans ce surcroît de responsabilité qui est à la mesure de la puissance destructrice qui est entre nos mains. Penser un autre rapport à la nature et aux animaux, c'est une révolution anthropologique absolument fondamentale. Et ça n'est pas une façon de parler, absolument fondamentale. On voit bien dans toutes nos institutions, dans notre droit, dans notre façon d'agir, notre façon de penser, dans les religions, combien cette séparation entre l'humain d'un côté et la nature de l'autre, ce grand tout donc dans lequel on inclut tous les êtres vivants qui ne sont pas l'homme, semble contribuer à construire une identité humaine absolument terrifiante, qui est le droit d'exercer la violence sur la totalité de ce qui n'est pas soi-même. Encore que, évidemment, les humains se livrent entre eux des guerres abominables. Et c'est dans ce que Claude Lévi-Strauss remarquait, que tant que l'humanisme ne sera rien d'autre que cette coupure entre l'humain et la nature, eh bien des groupes humains pourront toujours considérer qu'ils détiennent, de manière plus éminente que d'autres humains, ces qualités, alors que si l'humanisme consistait précisément à englober la totalité du vivant, eh bien, à ce moment-là, ces discriminations au sein de l'espèce humaine deviendraient nulles et non avenues. Donc, reconsidérer la place des animaux va dans le sens de, d'apaiser les tensions entre humains. Ah, je suis persuadée que reconsidérer la place des animaux irait dans le sens d'un apaisement envers les humains. D'ailleurs, la métaphore de l'animalisation, hein, dans le racisme, on sait très bien comme elle, à quel point elle est dominante. À partir du moment où il y a des humains qu'on va être tenté de classer du côté des animaux et d'animaliser, pourquoi est-ce que c'est possible ? Parce qu'on maintient cette catégorie de l'animal comme une espèce de grand réservoir de l'infériorité sur lequel tout est permis. Si demain, on considère que les animaux ne sont pas bons à tuer et bons à manger, je crois que notre façon de penser l'humain en sera profondément modifiée. Et nous en avons besoin. Sur le rôle des écoles, est-ce que peut-être il manque un enseignement pour reconnecter les enfants à la nature ? Et quel rôle vous pouvez jouer dans ce domaine ? Est-ce que vous recevez des classes ? Est-ce que vous participez à cet enseignement ? Alors, on reçoit pas mal de classes. 10% de nos visiteurs sont des scolaires. Michel Saint-Jalme. À destination des scolaires, nous avons un certain nombre, un certain choix d'ateliers pédagogiques, presque tous tournés autour de la biodiversité, de la connaissance de l'histoire naturelle. Donc le muséum d'histoire naturelle, cette fameuse histoire naturelle qu'on essaye de transmettre. Malheureusement, dans les écoles, je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement des sciences naturelles n'est plus suffisant. J'espère que les bruits qu'on a sur la nouvelle réforme du lycée ne va pas encore diminuer le nombre d'heures d'enseignement de l'histoire naturelle, car c'est quelque chose de très très important. Important pour cette conscience écologique, mais aussi pour tout ce qui est connaissance du corps humain, qui a eu un impact très très fort sur ensuite la conscience de soi, la conscience dans l'autre, toutes les problématiques de genre, toute l'éducation autour du sexe, tout ça a une base quelque part d'éducation écologique, d'éducation à l'homme, d'éducation en fait basée sur les sciences naturelles. J'espère que notre gouvernement ne va pas faire l'erreur de ranger dans le placard les heures d'enseignement d'histoire naturelle. Quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que l'éducation ne doit pas être que par l'école. L'éducation doit surtout aussi être focalisée sur l'adulte, parce que c'est l'adulte qui éduque l'enfant, et pas simplement l'école. L'école est une institution. L'école n'est pas l'éducateur de l'enfant. Donc ça, c'est, je trouve que c'est un biais presque politique, de communication même. On parle d'éducation nationale, mais la première éducation, c'est les parents qui doivent le faire. Je crois qu'il y a beaucoup d'études qui montrent ça, que quand on pose par terre son empathie, on la pose pour tout. Voilà. Donc on écrabouille, on humilie, et ça va ensemble. Et la démarche inverse aussi, il me semble. Marie Pavlenko. Il me semble que le citoyen, en tant qu'individu et en tant que groupe en association, sera, comme d'ailleurs quand même la plupart du temps, la majorité du temps, celui qui donne l'alerte, celui qui lutte, celui qui parfois va à l'encontre de la loi pour faire changer la loi si la loi n'est pas bonne. Et qu'à un moment donné, c'est vrai, il faut un rapport de force. La force, elle vient du fait de faire du bruit, mais d'être aussi nombreux, d'être solidaire. Et à partir de ce moment-là, l'écume et le fait que ça bouillonne pousse le politique à prendre des décisions et éventuellement à entériner les actions et les décisions qui doivent être prises, oui. On peut vivre aujourd'hui, on a la capacité à vivre sans faire souffrir hommes et animaux. Donc pourquoi pas le faire ? Ouais, alors cet endroit où on est, là, il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux, il y a des petits grimperons. Je veux vous dire un petit mot pour clôturer. Ces petits mots, c'est une phrase de Léonard de Vinci qui a dit il y a 500 ans « Scrute bien la nature, là est ton futur. » C'était « Faut-il conserver une frontière entre l'homme et l'animal ?» Michel Alberganti, Manouchak Fachaï, avec Éric Baratet, Florence Burga, Marie-Claude Bomsel, Norine Chaille, Georges Chapoutier, Marie Pavlenko, Michel Saint-Jalme, Jean-Philippe Varin, Jacques Vauclair, Franz Deval. Recherche INA, Aude Vincent. Recherche discographique, Romain Couturier. Prise de son, Marcos Darras. Mixage, Manuel Couturier. Humain, chat, biche corbeau, spéciste ou vegan, LSD, la série documentaire s'est terminée pour cette semaine. Et si vous voulez dormir avec le chien, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la tanière ou nous réécouter au clapier, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire, pour voir la radio du dedans. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous irons voir de quoi la masculinité est faite. Mais demain, à la même heure, vous retrouvez le magazine de la rédaction, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière et une vie, une œuvre.